compact. On oublie dans nos bullshit, big, il faut que tu oublies. Patrick avec compact. J'espère que t'as bien compris. C'est du haut garde. Yo, check that. Encore un beat de fou. Une coupe de kick et de clap pour te faire tenir debout. Fuck push, puis ça bullshit. Pour l'instant, fuck tout. Pour le temps qui me reste, c'est dans le bord que je retourne. Fais pareil, big. Fais pareil, fille. Moi, je suis juste sur un peu disparaître la routine. Fume un peu de weed, une coupe de blast. Écoute le fucking beat et ce que je dis, c'est dans ta face. Check it out. Regarde la pomme. Le mec qui dort, motherfuck, en vrai j'suis portier dès qu'il me dort. Exist, enfin j'me rends compte que j'existe. J'fais du speeding sa piste avec mon V6. Rien à battre gros, j'm'amuse. Si tu m'accroches dans le bord, fuck you si tu fais pas d'excuses. Quand j'attends dans le film, ceux qui sortent en s'énervant sont faibles et on rit tous la fille. Yes, toi avant ta classe, man. Lance règne et baisse, reste à toi, qu'est-ce t'as hâte plein. Puis les autres avec leur bullshit, la patente, le bling bling, on filme pas de film ni de clip. Check that, et si je danse, tout le monde bounce. Maintenant que back fonce, j'espère que tu te sers de tout ça, bon escient. Notre big, c'est un bonus, notre essence. Patrick avec compact, tu le bonus et tu pars, j'espère que tu sais. Patrick avec compact. Yes, yes, nous dansons, mon belle dress, et même faut que ça reste. Patrick avec compact. On oublie dans nos bullshit, big, il faut que tu oublies. Patrick avec compact. J'espère que t'as bien compris, c'est du haut de gamme accompli. Pendant que tu restes dehors, nous on rentre. On t'a entendu, laisse ta note tour, on laisse couler l'angle. C'est pas le temps du camp. Patrick compact arrive dans ton camp. Tu t'en rends compte, c'est du cap qui t'entend. Nos notes, ta note, là, vas-y, inspecte ça. De nous, c'est parce que toi, arrive pas tout à l'heure, c'est là. Et que t'es rassé ma limite, comprends ça. On se plaque là, split ça. J'étais pas sûr que t'aimais ça. La très compacte et c'est pas 30 visites. Je peux atteindre 30, peux dire fuck that. Ma life est gaffe faillite. Fait que j'bouge, j'bouge la trappe sans faire de farce. Plate d'un autre fat track de MOT au crack. Mon dead start, check à date les stats. Sur ton restaurant pétard, c'est vers un club qu'on se déplace. Fait qu'amorti, une sorte d'or, c'est la sortie. Propre à nous, c'est hors prix. J'restore même si côté cash, ça m'apporte un gros zéro. Fuck le monde qui parle dans mon dos, mon rap passe à go. Toujours plus haut niveau, nous voulons encore tout nouveau. Puis fuck à quoi notre ST, crack, hello, équivaut. Si t'es stressé, quand le bon gros pour te relaxer. Allume dans ce que t'as roulé, arrête de bouder. T'as qu'à bouger, fais comme nous, monte tes plans. Reste, prends n'importe quand, puis monte de rang. Patrick avec compact. Tu le bonus et tu pars, j'espère que tu sais. Patrick avec compact. Yes, yes, nous dansons, mon belle dress, et même faut que ça reste. Patrick avec compact. On oublie dans nos bullshit, big, il faut que tu oublies. Patrick avec compact. J'espère que t'as